Juste des mots comme des roquettes. Une cible, un ingé son, une somme coquette. Une prod arrachée, de quoi nourrir les fauves à ma table. Je fais le même trajet, je cherche encore un siècle à ma taille. J'élève mon empire sur des cendres, c'est pas immense, évite le bruit, une balle d'or dans la chambre, c'est le prix. À racler encore, je suis dans le déni, je fais des punchlines comme si ça comptait encore. Je bénis, enfin je crois que je suis au-dessus. Il me fait bourrer ses penchés sur mon berceau et m'a vomi dessus. Je rimperai trop franc, dessous de la ceinture, tu sens les coups. Il m'écoute en se protégeant les couilles d'humanité. Je prends des cours de Marseille au Val d'Oise. On parle l'unité, le même sang coule. Douleur siamoise, j'ai payé l'ardoise. Je peux dire des insanités. À 20 piges, j'avais déjà fait l'album de la maturité. Sur beat pass, me défonce en m'hydratant. J'ai le toucher de bidasse, me fait les couilles en or rien qu'en les grattant. Je suis toujours partant, la vérité se cache dans l'art. Je suis une espèce menacée, j'aurai ma place dans l'arche. Tu te souviens l'époque, beat à 90. Ça rappait fort dans le bloc, un peu comme dans le Queens. Organisé, mais bon, le monde se divise. Demande aux deux frères à la coste. Sexe, pouvoir et bif. Si tu rôdes dans ma ville, c'est que t'as l'amour du risque. Toujours sous haute tension, comme un contrôle du fisc. Vision chaotique, vrai de vrai. Pris pour cible, prêt pour trait. J'suis dans ma paranoïa zen, entouré de parasites. Ma cité va craquer, pour ça que j'suis toujours au taquet. Des blocs à la lune, pas besoin de Kassovitz. Donc on fait la danse du carré, dans le paradis assassiné. Ressens la douleur ici sans FX. Bienvenue à Babylone, quartier sensible. Amitié gâchée, trahison, homicide. À quoi bon sert la vie de rêve si tu ne kiffes pas? Sacoche pleine de problèmes, chargeur toujours vide. Pour nous le chemin n'était pas balisé. On a mis nos rimes dans les tympans. Ils ont voulu nous canaliser. On danse au rythme des pimpons. Boy c'est la guerre, boy c'est la guerre. Amour et paix pour tout le reste on verra. Boy c'est la guerre, boy c'est la guerre. Amour et paix pour tout le reste on verra. Les mêmes locaux, à gratter sur des feuilles et rêver de vivre comme un gagnant du loto. On a perdu des poteaux. Et quand tu fais les comptes, il reste encore 2-3 enfoirés sur la photo. Le attré maman logo. Casquette vissée sur le côté, sur le polo toujours le croco. Je raconte encore de la photo. Frérot, qu'on pas su élever les mondes quand on a mis le game en queue clos. Pour l'amour du risque artificier, je fais de l'art de rue dans les cités d'or, on a tous atterri. Fallait que je te dise toujours au taquet. Avec le cœur au rien en avance, on se ressent tous très fort, très fort. Le monde est énorme. Le charme de la tristesse où ça poussait à faire des shows énormes. Killer de riche, lui sert encore tous mes toxicos. La vie de rêve, je l'ai eu et toujours titulaire au classico. On n'a pas grandi dans les mêmes villes, mais j'aurais pu rapper les mêmes rimes. J'ai pas la même vie, la même daronne. Mais j'aurais pu écrire les mêmes paroles. Parce que la douleur est la même, ta peine est la mienne. On a connu la colère et la haine, on sait où ça nous mène. On se croit différents mais on se ressemble au plus profond de nous-mêmes. Y'a qu'à voir comment le diable nous berne. Il connaît nos failles et nos forces. On a beau muscler nos pecs et nos dorsaux, nos cœurs sont brisés sous nos torses. Voilà pourquoi j'écris des morceaux. Pourquoi je boxe avec les mots comme Alien ou Monsieur Borse. J'oublie pas d'où je viens, les nuits à traîner sous le porche. Avec les anciens on a gravé nos noms dans la roche. J'oublie pas les potes partis. La belle époque avec le troisième au quartier, les blocs partis. Les nuits à errer sur les parkings. Le parvis de Notre-Dame. Coupé du monde, je fume un autre gramme. Je passe du rire aux larmes. La vie a parfois comme un goût de supplice. Vas-y, resserre-moi quelques gouttes suffisent. Pour nous, le chemin n'était pas balisé. On a mis nos rimes dans les tympans. Ils ont voulu nous canaliser. On danse au rythme des pimpons. Boy c'est la guerre, boy c'est la guerre. Amour et paix pour tout le reste on verra. Boy c'est la guerre, boy c'est la guerre. Amour et paix pour tout le reste on verra. Les paroles sont universelles même en autarcie. Et amé, je rentre au studio comme au Colisée. Chaque jour c'est mon anniversaire, crise existentielle face au rookie. Et je me sens comme un surveillant du lycée. De ma tour de Babel clair et j'ai dû choisir d'aller à l'essentiel. Et la misère a des choses à dire. Bien sûr que je suis dans le thème, j'ai fait le signe, j'ai fait le J. Je reste bloqué dans le game, un peu comme dans Jumanji. Depuis le son des bandits, j'ai trop tiré sur le bout de shit. Et je vois le troisième œil et ça, t'es qui font tch. Et vas-y, clique, salive, moi et ma bande de marginaux. Toujours sur la défensive, pourtant je suis pas Marquinhos. Les mêmes thèmes, les mêmes scènes, les mêmes peines, les mêmes packs, les mêmes clics, les mêmes claques. Les cifres, donc les mêmes plats. Insolent et pas soumis, de l'usine à la chaîne. De Besson à Kassovitch, de taxi à la haine. Assis à la même table, tous ceci ont marqué l'époque affranchie. Les stars nous écoutaient au Virgin Megastore. La vie infime, ça te braque, pas de pardon. Sans cas, t'es mort. Je suis fatigué, patron. L'histoire c'est nous, fiston. Marquer le rap français d'un brossé. Imposer le verbe dans nos dictions. L'histoire c'est nous, je répète. La vie un long fleuve tranquille. Chez nous c'est un vieux port, un soir de tempête. Pour nous le chemin n'était pas balisé. On a mis nos rimes dans les tympans. Ils ont voulu nous canaliser.